Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 12 avril 2018. Voici les grands titres de ce journal. Le président gabonais Ali Bongo est attendu ce vendredi à Bujumbura. Une visite de marque selon le porte-parole de la présidence de la République. Il devra rencontrer son homologue Pierre Nkurunziza. Et 7 personnes sont déjà mortes, plus de 300 maisons détruites ainsi qu'environ 2500 personnes sont sans abri. Nous sommes dans la province d'Ngozi et ce sont des dégâts causés par des pluies diluviennes tombées ces deux dernières semaines. Et certains parmi les responsables des partis politiques Grand Commune et province Rumonge se plaignent des cachots qui existent, des cachots mis en place par ces administratifs pour extorquer de l'argent, alors qu'une trentaine de personnes fidèles à Eusebi ont été arrêtées ce mercredi dans les environs du marché central de Moussigati. Là, nous sommes en province de Boubanza. Et puis, dans la chronique judiciaire, vous en saurez davantage sur ce qu'on appelle l'action récursoire. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, le président gabonais Ali Bongo est attendu ce vendredi à Bujumbura et c'est une visite de marque selon le porte-parole de la présidence de la République. Il est prévu qu'il rencontrera son homologue burundais, le président Pierre Nkurunziza. Jean-Claude Karegwa, porte-parole de la présidence, a précisé que l'agenda de ce président gabonais, en même temps président de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, ainsi que le nombre de jours de sa visite au Burundi seront connus aussitôt qu'il arrive à Bujumbura. C'est donc demain. 7 personnes sont déjà mortes, je venais de vous le dire, et plus de 300 maisons détruites ainsi qu'environ 2500 personnes sont sans abri dans la province d'Ngozi. Ce sont les dégâts déjà occasionnés par des pluies diluviennes tombées durant ces deux dernières semaines en province d'Ngozi. Dans une réunion des intervenants provinciaux en matière de lutte contre les catastrophes, tous se sont mis d'accord sur l'urgence d'une aide humanitaire et demandent l'intervention de toute âme charitable. Correspondance d'Apollinaire Muzagara. Ces fortes précipitations qui sont tombées et qui ont emporté des personnes et leurs biens ont duré presque 2 semaines en province Ngozi. Parmi ces personnes mortes, 4 de la commune Mumba ont été victimes des eaux de la rivière Kanyaru. Parmi ces décès, une femme et ses 2 enfants et le père de cette famille s'est suicidé après avoir été au courant de cette mauvaise nouvelle. Un autre de la commune Tangara est tombé dans une fosse remplie d'eau où on a extrait du sable. Et la 7e victime a été emportée par une rivière en commune Kiremb. Comme ces pluies étaient mêlées de vents violents et de grêle, 302 maisons ont été détruites, causant ainsi le déplacement de 2510 personnes aujourd'hui sans abri. Aussi parmi les dégâts figurent beaucoup d'hectares de champs de riz, de patates douces, haricots, bananiers et autres endommagés. Pour illustration, la production du riz en commune Marangara va chuter presque jusqu'à moitié à cause de ces pluies, surtout dans le marais de la Kanyaru, regrette l'administrateur de cette commune. Emmanuel Nachosanze parle d'une énorme perte pour les agriculteurs mais aussi pour la commune qui faisait entrer chaque saison environ 18 millions de francs de taxes dans les caisses communales. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Le début effectif du rapatriement des réfugiés burundais vivant en Tanzanie a été reporté du 5 au 19 avril courant. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur explique que ce report est dû entre autres au retour inattendu des adeptes de Zébi. Terence Naïra Ajar assure qu'une fois commencé, le rapatriement va bientôt se dérouler car, précise-t-il, le pays s'est bien préparé. Il ajoute que d'ici la fin de l'année, il est prévu de rapatrier plus de 72 000 réfugiés burundais. On l'écoute. Il y a certaines activités imprévues qui ont poussé à ce qu'on repousse la date de démarrage de ce processus. Pourquoi ? Parce que ici, je vous fais un exemple de rapatriement des adeptes des Ebing et d'Akumana de plus de 2400 personnes, 2409 d'ailleurs. Et puis, on a été obligé de prendre un petit temps pour les déplacer et les transporter dans leur ménage. Ça a pris du temps. Et en plus de cela, il y avait une visite d'une haute personnalité de marque, le haut commissaire des HCR aux Nations Unies, raison pour laquelle on a repoussé au 19 avril, donc la semaine prochaine. Ça sera le jeudi. Il y a le congrès qui va venir. Donc, et pour le faire, on s'est entendu avec nos frères tanzaniens et le HCR et à Bujumbura parce que c'est le tri qui doit faire son travail. Donc, nous avons été obligés de nous entendre et il n'y a aucun problème. C'est pourquoi on a fixé cette date. Côté moyen, est-ce que le Burundi est prêt pour accueillir dans la dignité nos frères burundais et nos sœurs burundaises? quand ils retournent, ils regagnent directement leur propriété foncière, leur maison. S'il y a l'un ou l'autre problème, il y a les appuis que le gouvernement donne à l'occurrence, les vivres, mais également il y a les torts pour aider pour quelqu'un qui trouverait que sa maison ne serait pas dans les conditions normales. Et il y a aussi le kit de 3 mois de vivres qui est donné par l'OHCR et un peu aussi de moyens financiers qui est donné. Donc vraiment, il n'y a aucun problème. C'était le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Terence Nahiraja, au micro de Joseph Nsabiyabandi. Une trentaine de personnes fidèles à Ezebi ont été arrêtées ce mercredi dans les environs du marché central de Musigati. Nous sommes dans la province de Bubanza. Opessa 1, Damien Emmanuel Nizigimana, commissaire provincial de la police, explique qu'ils ont été suspectés de voir encore une fois se rassembler et retourner à Businde. C'est au moment où ces détenus indiquent qu'ils allaient saluer leurs amis. Les autres disent qu'ils se rendaient au marché. Parlons toujours des réfugiés, l'insuffisance des denrées alimentaires, le manque de médicaments et de couverture. Voilà certains défis auxquels font face les réfugiés congolais du camp de Moussassa en commune Kirimba. C'est dans la province de Ngozi. Dans un entretien avec les réfugiés congolais qu'il a rencontrés au nord du Burundi ce mercredi, dans le cadre de sa visite dans la région des Grands Lacs, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, les a rassurés que leurs doléances seront soumises aux différents partenaires pour envisager des solutions durables. Toutefois, il a suggéré à ses réfugiés congolais de chercher des activités génératrices de revenus. C'est un reportage de Gertrude Mawenayo. Le camp de réfugiés de Moussassa se trouve au nord du pays, dans la commune Kirimba, en province d'Ngozi. Ce camp héberge plus de 8000 demandeurs d'asile et réfugiés congolais depuis 2007, y compris ceux qui sont venus au mois de janvier de cette année. Au cours de sa visite dans les pays de la sous-région de la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi, le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a visité ce mercredi les réfugiés congolais de ce camp de Moussassa. Parmi les doléances que ces réfugiés lui ont adressé figurent les problèmes liés à l'alimentation, aux soins de santé et au non-vivre. La nourriture qu'on donne, ça ne supporte pas pour un réfugié. Par exemple, au lieu de vous donner un sac de farine pour qu'il vous supporte pendant un mois, il vous donne seulement 8 kilos. Alors, d'après vous, est-ce que 8 kilos, il peut supporter une personne pendant un mois? Ça, c'est impossible. Moi, j'ai 12 ans ici, au cas de Moussassa. Dans ma maison, je n'ai rien. On donne 7 kilos par mois. J'ai 5 enfants. Qu'est-ce que ça va faire dans ma maison hein? J'ai besoin de l'huile des enfants. Et moi aussi, j'ai besoin de l'huile. Hein? Même les couvertures, ça fait combien d'années on ne donne pas? À partir de 2011, ici, on ne donne pas les casseroles, on ne donne pas les bidons, on ne donne pas même les assiettes. Ici, nous sommes comme les bêtes sauvages qui sont dans ces camps de Moussassa. À l'hôpital, on te fait un petit morceau de paracétamol. Une femme comme moi, un morceau de paracétamol, je suis devenue un bébé. Filippo Grandi leur a répondu qu'il soumettra leur doléance au bailleur du ACR pour envisager des solutions relatives. Ces réfugiés congolais n'ont pas caché leur besoin d'être réinstallés dans d'autres pays parce qu'ils ne veulent pas être rapatriés. La réponse du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés est que, même si la réinstallation est l'une des solutions pour ces réfugiés, les places sont limitées. La réinstallation, c'est-à-dire transférer les réfugiés d'un pays d'asile, comme le Burundi par exemple, à un deuxième pays d'asile comme les États-Unis ou le Canada est une solution évidemment, mais c'est une solution très limitée. Imaginez-vous que l'année passée, on a réinstallé moins que le 3% de tous les réfugiés hébergés au Burundi. Et je pense que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de place. Donc j'ai dit aux réfugiés, on va continuer à faire des efforts pour réinstaller au moins les plus vulnérables. Mais pour les autres, je le répète, il faut trouver des solutions ici. Sinon, le rapatriement, qui est la solution la meilleure pour tous les réfugiés. Après sa visite au camp des réfugiés de Moussassa, le haut cadre du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a visité également plus de 60 Burundais rapatriés du camp de Nduta en Tanzanie qui sont actuellement dans leurs familles respectives en commune Gasogwe de la province de Muyinga. Gertrude Mawenayo. Et l'Assemblée nationale a approuvé ce jeudi le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de création de la Banque africaine d'import-export, Afrexim Bank. Le ministre burundais des Finances, qui a présenté ce projet de loi, fait savoir que cette banque sera d'une importance capitale pour le pays. Domitien Diokougayo a également précisé que le Burundi aura un capital minimum de plus de 3 milliards de francs burundais avec 100 actions. Il a en outre souligné que trois pays de la communauté économique des pays de l'Afrique centrale, CEAC, sont membres de cette banque, alors que quatre pays de la communauté est-africaine en sont membres, avec à la tête l'Ouganda ayant 2317 actions, suivi du Kenya avec 1333 actions, la Tanzanie avec 742 actions et le Rwanda avec 235 actions. On marque une pause et ce journal se poursuit avec quelques nouvelles des provinces. Je vous l'avais dit dans les titres, certains parmi les responsables des partis politiques vont en commune et province Rumonge se lamentent que certains chefs de zone de cette commune entretiennent des cachots pour extorquer de l'argent alors que la police et le parquet de Rumonge disent que cela est hors la loi. L'administrateur de la commune Rumonge de son côté dit qu'un chef de zone peut retenir une personne jusqu'à 48 heures. Correspondance de Jean-Pierre Misago. D'autres cachots sont signalés notamment en zone Minago et Kizuka où ils sont entretenus par les chefs de zone comme l'indique Vianney Ndouamahoro, représentant communal du parti Lanaka Rumonge. Selon lui, certains membres de ce parti ont été déjà retenus dans ces cachots où ils ont quitté après avoir versé des pots de vin et il a demandé dans une réunion des responsables des partis politiques œuvrant en commune Rumonge ce mardi que ces cachots illégaux soit purement et simplement supprimé. Pour Célestin Nitanga, administrateur communal de Rumonge, un chef de zone peut retenir une personne jusqu'à 48 heures, puis le remettre à un officier de police judiciaire. La police et le parquet Rumonge, quant à eux, disent le contraire. Les administratifs sont incompétents à retenir une personne soupçonnée d'avoir transgressé la loi. Ils la remettent plutôt immédiatement après son arrestation à un officier de police judiciaire ou à un officier du ministère public qui sont compétents de décider sur sa rétention au moment des enquêtes. Eli Roussoya, chef de zone Minago, accusé d'entretenir ce genre de cachot, le nie catégoriquement. Il reconnaît cependant détenir une chambre de transit des personnes arrêtées la nuit en attendant leur transfert au cachot de la police de Rumonge le lendemain. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. De Rumonge, nous nous rendons à Bubanza où nous retrouvons notre correspondante Spescaritas Kabanyana qui nous rapporte que 17 chèvres sont déjà mortes parmi les 30 déjà attrapées par la peste en l'espace de 2 semaines seulement. C'est en commune de Rugazi précisément. La population demande une intervention médicale en vaccinant ces animaux comme ce travail est en train de se faire dans d'autres provinces du pays. Correspondance. Les habitants de la commune Rugazi demandent une intervention d'urgence puisque la peste a déjà emporté 17 chèvres parmi les 30 déjà atteintes dans un délai de 2 semaines seulement. Ils disent qu'ils ont appris que dans d'autres provinces, une campagne de vaccination contre la peste est en cours et précisent que tous les médicaments qu'ils ont déjà essayés se sont montrés sans effet sur cette maladie qui fait ravage au niveau des caprins et des ovins. À la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage, on explique que la campagne qui est en train de se faire dans d'autres provinces contre la peste, une campagne qui a débuté ce lundi le 9, est également prévue dans la province de Bubanza, mais la date n'est pas encore fixée. Wilinda Ikeza, directeur à la DPAE Bubanza, recommande cependant aux éleveurs dont les animaux sont déjà atteints à consulter les responsables vétérinaires dans les communes et sur les collines pour qu'ils leur montrent comment s'y prendre en attendant que la campagne de vaccination commence. Pescaritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro Chronique. C'est une chronique judiciaire comme je l'ai annoncé dans les titres. Lorsqu'un mandataire ou un préposé de l'État ou d'une commune commet une faute qui engage ses institutions, l'État ou la commune ne peuvent se retourner contre lui par une action en justice dite action récursoire, comme le précise le président du Centre de formation professionnelle de la justice. Et cela ressort de la loi de 2014 portant réglementation de l'action récursoire et de l'action directe de l'État et des communes contre leurs mandataires et préposés. Édouard Minani considère que cette action succède surtout à celle d'un citoyen ayant obtenu gain de cause pour le dédommagement des préjudices. Les détails dans cette chronique judiciaire signée Alain Désiré Boukayenez. Lorsque la justice établit qu'un mandataire ou un préposé de l'État ou d'une commune a commis une faute engageant les caisses de l'État ou de la commune et que ces institutions doivent indemniser la victime qui a agi en justice pour dédommagement, ces dernières doivent à tout prix répondre. Seulement, l'État ou la commune a la faculté de se retourner contre le mandataire ou le préposé par une action en justice et c'est la mise en œuvre de l'action récursoire comme l'explique le président du Centre de formation professionnelle de la justice. C'est un recours en justice exercé contre le véritable débiteur d'une obligation juridique par celui qui est tenu de l'exécuter en tant que débiteur solidaire ou garant ou responsable du fait d'autrui. Lorsque l'État engage ou confie des responsabilités à des cadres ou la commune confie des responsabilités à des mandataires ou des préposés, l'État ou la commune doit les couvrir en quelque sorte. Mais lorsque le préposé ou le mandataire agit en dehors de ses missions, eh bien, il engage sa responsabilité personnelle. Mais l'État, du fait qu'il est placé sous son autorité, l'État est obligé alors de réparer le dommage causé par le préposé ou le mandataire et doit se retourner contre le mandataire ou son mandataire se préposé par une action en justice. Édouard Minani précise que l'origine de l'action récursoire est la faute intentionnelle ou la négligence d'une gravité exceptionnelle n'ayant aucun lien avec le service. L'abus de service, c'est la violation du devoir général qui impose de se conduire après toutes les précautions possibles. Mais la faute détachable de la fonction et qui engage la responsabilité de l'auteur, c'est cette faute qui est commise intentionnellement ou par mégarde, mais d'une gravité exceptionnelle qui n'a aucun lien avec le service. C'est ça alors, cette faute qui engage la responsabilité de l'auteur et l'État doit couvrir cette faute en dédommageant le tiers qui a eu un dommage et l'État se retourne en contre son préposé ou son mandataire. Le président du Centre de formation professionnelle de la justice illustre par des fautes détachables du service que le mandataire ou le préposé commettrait délibérément. Un conducteur de véhicule peut commettre un accident de roulage. C'est normal. Mais ce n'est pas normal qu'il prenne le véhicule ambulance de l'hôpital pour la faire du transport en commun ou du transport public. Ça, c'est une fausse voie intentionnelle. C'est en dehors du service. Il commet délibérément une faute intentionnelle en prenant l'ambulance de l'hôpital pour transporter les gens vers des destinations inconnues. Ça, c'est une faute vraiment totalement détachable du service. Édouard Minani fait la distinction entre les fautes de service et les fautes détachables du service. Ainsi, un policier qui saisit des marchandises prohibées ne commet aucune faute. Mais un officier de police judiciaire qui prolonge la durée de garde à vue en dehors de la loi commet délibérément une faute susceptible d'engager l'État. Nous vous parlerons dans la prochaine chronique de la mise en œuvre de l'action récursoire, le fondement et la juridiction compétente. Alain Désiré Boukayeneze. Évaluer l'état d'avancement du programme santé de la reproduction, tel était l'objectif d'une descente effectuée ce mercredi en mairie de Bujumbura dans la commune de Muhuta de la province Romangais par l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burundi, Henri Verveit, a fait savoir que dans des pays surpeuplés comme le Burundi, il est important que des ménages prennent l'engagement en vue d'une reproduction responsable. Les bénéficiaires de ce projet ont exprimé leur satisfaction par rapport aux décisions prises et ont demandé que ce programme soit étendu sur tout le territoire burundais. Charles Makoto, reportage. Cette visite sur terrain, l'ambassadeur Henri Verviouet l'a débutée au centre de santé Rukundo en zone Kanyosha de la commune Mouran, en mairie de Bujumbura, où les Pays-Bas à travers PSI, dans son projet Tunza, appuie les centres de santé privés dans l'encadrement des jeunes en matière de la santé sexuelle et reproductive. Les jeunes se rencontrent à ce centre pour échanger de l'expérience et des enseignements via les jeunes leaders. En cas de questions dont ils ne peuvent pas répondre, un infirmier encadré de ce centre donne plus d'éclaircissements. Ce ne sont pas uniquement des jeunes. Les adultes y reçoivent également des conseils sur l'espacement des naissances et ce qu'ils désirent sont mis sur les méthodes contraceptives. En commune Kabedi, dans la province Bujumbura, l'ambassadeur des Pays-Bas a visité des familles dont les maris ont opté pour la vasectomie. Bidiman Nestor, 42 ans. Il est marié à Janine Nizigama, 40 ans. Ils ont 5 enfants. Selon le patron du ménage, ce n'était pas une décision facile à prendre, mais elle était indispensable. Il fait savoir qu'il n'a pas de travail. Il n'est raison de plus pour une telle décision. Il indique également qu'il en parle avec ses amis. Je suis fier de la décision que j'ai prise de faire la vasectomie, car c'était une décision consensuelle avec ma femme. Je n'ai aucun problème. J'en parle parfois à des amis lors d'une simple conversation. Quand il comprend, c'est une bonne chose et au contraire, c'est son droit. Qu'il le comprenne mal, pour moi, l'essentiel est d'en avoir parlé. Une décision salutaire pour sa femme Janine, qui fait savoir qu'elle avait déjà subi 3 opérations pour mettre au monde et la perte d'autres femmes à suivre ce programme de planning familial. J'ai pu me reposer. Vu que je ne serai plus opérée, j'étais tellement fatiguée à cause des césariennes que je subissais. Est-ce que je peux conseiller à d'autres femmes comme moi et qu'il faut suivre le programme de planning familial car aujourd'hui, je peux vaquer à d'autres activités sans me fatiguer et sans que j'aie une nourrisson à ma charge. De son côté, l'ambassadeur des Pays-Bas dit que dans un pays comme le Burundi, il est important que les gens fassent la planification des naissances. Un pays surpeuplé que le Burundi doit prendre des décisions pour diminuer la taille des familles. Et je trouve qu'on fait ces décisions au niveau personnel. On doit vraiment soutenir ces décisions et ces familles-là pour vraiment dire aux ceux qui ont fait cette décision que ce sont eux qui sont les ambassadeurs pour la planning familiale. À Gitazan, commune Mutambo de la province Lumonge, l'ambassadeur hollandais s'est entretenu avec les jeunes scolarisés qui sont encadrés par Cordaid. Ils font savoir que ce programme leur a été bénéfique et demandent qu'il soit disséminé dans tout le pays. C'est sur ce reportage de Charles Makoto que nous bouclons ce journal à 13h17 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Eli Kadogo pour la mise en onde. Micro Jean Bosco Nduimana. Passez un très bon après-midi.